Bon matin tout le monde, Danny Veilleux, le bulletin de sport local et régional de l'édition du 19 juillet. Évidemment, c'est tranquille ce matin, mais il y a une grosse nouvelle concernant les Saguenay de Chicoutimi. Le défenseur russe Armeni Kaznev portera les couleurs des Sags la saison prochaine. Kaznev, qui est un défenseur russe de 5 pieds 11 pouces, pesant 187 livres, a été le premier choix au repêchage des Saguenay lors du repêchage européen, 10e au total. C'est un défenseur qu'on dit capable de bien transporter la rondelle et de donner des bonnes mises en échec. Et les recruteurs le voient comme un solide prospect en vue du prochain repêchage de la Ligue nationale en 2019. Au milieu de Port-Alfred, on a un résultat concernant un golfeur de Dolbeau. Il s'agit de Raymond Lavoie. Raymond Lavoie qui évoluait dans la catégorie 60-64 ans. Il a réussi le meilleur pointage brut avec un pointage de 71. Au soccer, des matchs hier dans la Ligue de soccer du Saguenay-Lac-Saint-Jean, un match qui se déroulait dans la catégorie U16 masculin. L'Union de Rabat a défait le Boréal d'Alma 3-2. J'invite à écouter la section entrevue de danadosport.com. Hier, on a parlé avec plusieurs intervenants. On a d'abord parlé avec Patrick Henry, qui se trouve à Radio-Canada à Edmonton, où il nous parle du dossier Terrell Owen. Également, je me suis entretenu aussi avec également Frédéric Deck de la presse canadienne pour parler du dossier des expos. Et vous pouvez écouter d'autres entrevues dans la section entrevues de danradiosport.com. Le sport local et régional à danradiosport.com. On s'en occupe.